Puis les convives arrivèrent tous, presque en même temps. Dithmé, Lovarias, Burieux, le compositeur Rosenwald, le poète Théophile Loris, deux critiques d'art collègues du Sonnet, un fabricant de papier, et enfin l'illustre Pierre-Paul Mincius, le dernier représentant de la grande peinture, qui portait gaillardement avec sa gloire ses 80 années et son gros ventre. Lorsqu'on passa de la salle à manger, Madame Arnoux prit son bras. Une chaise était restée vide pour Pellerin. Arnoux l'aimait tout en l'exploitant. D'ailleurs, il redoutait sa terrible langue, si bien que pour l'attendrir, il avait publié dans l'art industriel son portrait accompagné d'éloges hyperboliques. Et Pellerin, plus sensible à la gloire qu'à l'argent, apparut vers 8 heures, tout essoufflé. Frédéric s'imagina qu'ils s'étaient réconciliés depuis longtemps. La compagnie l'aimait, tout lui plaisait. La salle, telle qu'un parloir Moyen-Âge, était tendue de cuir battu. Une étagère hollandaise se dressait devant un râtelier de chibouk. Et, autour de la table, les vers de bohème, diversement colorés, faisaient au milieu des fleurs et des fruits comme une illumination dans un jardin. Il eut à choisir entre 10 espèces de moutarde. Il mangea du gazpacho, du curry, du gingembre, des merles de Corse, des lasagnes romaines. Il but des vins extraordinaires, du Liebfrauli et du Tokay. Arnoux se piquait effectivement de bien recevoir. Il courtisait en vue des comestibles tous les conducteurs de malle-poste, et il était lié avec des cuisiniers de grandes maisons qui lui communiquaient des sauces.